Oh yeah. Quand je te vois, c'est la panique. Tu mets mon cœur à flot. Ton charme est presque chamanique. Oh shit, j'en perds les mots. Mais c'est ok. Je n'ai pas grand chose à t'offrir. Je ne possède pas de lingots, pas de diamants ni de saphir. Et j'ai du love en l'eau. C'était ok. C'est ok. C'était ok. C'est ok. Ça me suffira. Je n'ai pas besoin d'un empire. Tout me suffira. Ça me suffira. Il te suffira de me dire.